C'est Tazi Mohamed Mehdi, écrivain marocain passionné d'écriture. Il s'est lancé dans une aventure qui le conduit à utiliser un moyen de communication pour pouvoir publier son premier livre. Tazi Mohamed Mehdi nous raconte son histoire avec l'écriture et sa passion pour les livres. L'écriture en tant que passion qui a émergé à partir de ces événements-là. C'est le cumul de ces événements qui m'a donné l'envie, le désir d'écrire pour oublier tout ça. Un moyen d'oublier ce qui m'était arrivé. Un moyen d'extérioriser mes démons. Le livre dont on va parler, oui. Tout de suite, il est publié en France, mais il n'a pas encore été publié au Maroc, parce que vous pensez que les Marocains ne lisent pas. Eh bien, je n'ai pas eu l'idée de le publier au Maroc, parce que justement, pour moi, les Marocains ne lisent pas. Et j'entends ce discours un peu partout, dans les médias, autour de moi, à la télévision. Et on se plaint que les Marocains ne lisent pas. Donc je me suis dit... Pourquoi faire cet effort-là? Ce n'est que lorsque j'ai publié mon lien du livre, donc qui est disponible en impression à la demande chez un imprimeur français, quand j'ai publié le lien sur ma page Facebook et sur mon site, c'est là où je me suis rendu compte des messages que je recevais qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on me demandait comment avoir le livre. Parce que nous, en tant que Marocains, on ne peut pas faire d'achat sur un site étranger. Donc, je me suis heurté à cette problématique. Et vous avez décidé de lancer un projet qui est très intéressant, qui est assez original. Un projet lancé donc en février 2010. C'est un projet qui a comme objectif d'éditer donc votre premier livre, Bribe de vie, de l'éditer au Maroc avec la participation financière des Facebookers, c'est-à-dire des membres de la page Facebook que vous avez créé pour l'occasion, qui s'appelle Passion d'écrire. Expliquez-nous ce projet. Comment vous est venue cette idée de lancer ce projet sur Facebook et faire le buzz sur Internet? Il faut savoir que le livre en lui-même, l'idée du livre n'est pas la mienne. L'idée du livre appartient aux personnes qui lisaient un blog, donc mon blog, au tout début, il y a 2 ans et demi à peu près. Donc je bloguais. Et puis un jour, je me suis inscrit sur Facebook. Et j'ai relié le blog à Facebook. Et puis de là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir les commentaires des personnes. Donc je savais qui ils étaient. Ce n'étaient plus des personnes anonymes. Et avec un échange qui a eu lieu, l'idée m'a été donnée de faire un livre. C'est une idée qui va rester dans un coin de ma mémoire un certain temps, assez longtemps en fait, jusqu'au jour où je tombe sur le site de bookedition.com. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais le faire. J'ai demandé aux personnes donc qui étaient membres de la page Passion d'écrire de m'aider pour les corrections, pour les feedbacks. Ils ont répondu. Ça, c'était merveilleux. J'ai posté le message comme ça. Je ne pensais pas que autant de personnes allaient répondre. Et puis le projet du livre a été lancé et on m'a aidé pour les corrections donc et les feedbacks. Et quand je me suis heurté au problème de ces personnes qui veulent avoir le livre mais qui n'y arrivent pas, parce qu'avec nos cartes Visa locales, on ne peut pas faire d'achat, je me suis dit mais comment faire pour les satisfaire, pour leur montrer aussi mon intérêt. Et donc un soir, je me suis dit bon, ils m'ont aidé pour les corrections. Je vais leur demander de m'aider aussi pour l'édition au Maroc. Et le projet a été lancé donc en février. Nous étions à peu près 250 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 880 personnes donc sur Passion d'écrire. Et j'attends d'atteindre les 1000 personnes avant d'entamer la collecte des participations. Bien sûr, je suis réaliste. Je sais bien que 1000 personnes ne participeront pas à l'édition. Mais je table sur un pourcentage, on va dire un tiers des personnes. Et ces personnes qui vont participer financièrement, vous avez précisé qu'ils auront aussi leur nom sur le livre. Eh bien, pour les personnes qui le souhaitent et qui n'en font pas le refus, oui, ils auront leur nom qui va figurer sur une page spéciale de remerciement et qui va décrire le projet d'édition. Et pourquoi avoir pensé à ce moyen de communication dans le style réseautage pour pouvoir éditer votre livre? Est-ce que vous avez frappé aux portes des maisons d'édition et vous avez donc été confronté à un refus? Eh bien non, l'idée de passer par une maison d'édition ne m'a pas traversé l'esprit, puisqu'à la base, je n'ai pas vraiment eu l'idée d'écrire un livre. L'idée m'a été donnée et donc je n'ai pas pensé à passer par une maison d'édition. j'étais sur Facebook, il y avait le blog, il y avait la page Passion d'écrire, donc c'est tout naturellement que le projet de faire l'édition avec l'aide des gens de Facebook est venu. C'est un, on va dire, une continuité de cette aventure. Et bribes de vie, comme, est-ce que c'est comme le titre l'indique, c'est des bribes de votre vie, et on peut dire que c'est un récit fragmenté, autobiographique? Oui, oui, tout à fait. En tant que blogueur, j'écris des parties de ma vie, donc sur le site, sur le blog. Et puis, quand est venu le moment de choisir un titre, je me suis dit, je vais dire juste ce qu'il en est. Ben, ce sont des parties de ma vie. Donc, ce sont des bribes, et le titre est né ainsi. Quand vous postez vos articles au fur et à mesure, ou plutôt vos écrits, puisque les bribes de vie, votre livre a été posté donc en premier sur votre blog. Vous avez aussi des personnes qui réagissent à vos écrits, qui commentent vos écrits, qui vous donnent des critiques, qui font des critiques, qui vous donnent des conseils, qui font des remarques. Est-ce que vous tenez en compte ces remarques, ou toutes les critiques? Oui, oui, bien sûr, je lis tous les commentaires en fait. Et j'en tiens compte, bien sûr. Et puis, ce qui est surtout extraordinaire, c'est que avec certaines personnes, j'ai des discussions, j'ai des échanges, parfois même des rencontres autour d'un café, et on discute des textes, de ce que j'écris, de ce qu'ils en pensent. Un café littéraire. Quelque chose de merveilleux, oui, tout à fait. Un café littéraire. Et le problème des droits d'auteur, ça ne vous a pas traversé l'esprit quand vous avez posté vos écrits sur Internet? Parce qu'il y a le problème de la protection. Sur le site, il y a une mention de droit d'auteur. Donc, même si mes textes sont repris par d'autres personnes, ça, c'est un autre problème. Je veux dire, à la base, il y a une mention qui dit que les textes m'appartiennent et qu'il ne doit pas y avoir d'utilisation commerciale de ces textes. Mais on peut les partager. Qu'est-ce que vous préférez, Tazi Mohamed Mehdi, dans l'activité d'écrire, dans l'écriture? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Bien, l'écrire est donc une passion pour moi. On ne va pas dire que ce qui m'attire, mais on va dire que c'est elle qui m'attire. Donc je me sens comme inspiré, comme aspiré plutôt. C'est vraiment être dans un état quasi second, un genre de transe. Et puis là, c'est... J'écris, sans vraiment en avoir conscience. C'est comme quand vous avez soif, que vous avez envie de boire de l'eau pour vous désaltérer. C'est un peu pareil. Quand j'ai envie d'écrire, il faut que j'écrive pour être bien dans ma peau. D'accord. Et ce qui est aussi intéressant dans votre projet, c'est qu'il y a ce côté généreux d'une part, mais aussi un côté de partage avec le lecteur potentiel ou les futurs lecteurs. C'est-à-dire que le lecteur a déjà un droit de regard sur ce qu'il va lire, et il le commente, et il fait des remarques, et il réagit. Oui, il y a une interaction qui existe entre les lecteurs et entre moi-même. C'est une interaction qui est magnifique. Je veux dire, je parle à des lecteurs. Je ne sais pas si les écrivains classiques peuvent ressentir ça, en dehors des rencontres dédicaces, etc. Et vous pensez maintenir cette démarche pour vos prochains livres? Bien, aujourd'hui que j'ai découvert ce moyen pour écrire, ce moyen surtout pour éditer, et oui, je compte bien l'utiliser dans mes prochains textes. Mon prochain écrit. Quels seraient les conseils que vous donneriez donc à tous ceux qui souhaiteraient suivre cet exemple? Eh bien, il faut aimer d'abord, ça c'est très important, et ne pas se dire qu'on va devenir millionnaire en écrivant. Non, il faut écrire pour soi-même, parce qu'on aime ça, et parce qu'on aime partager ce qu'on ressent avec les autres, parce qu'il y a aussi ce partage qui est magnifique. Tazi Mohamed Mehdi, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs qui s'intéresseraient donc à votre projet ou qui voudraient donc participer à votre projet, est-ce que vous pouvez leur préciser donc les adresses de vos pages ou de vos blogs? Eh bien, donc l'adresse de mon site web, c'est www.mehditazi, donc mehditazi.tk. Et sur le site, il y a toutes les informations relatives au livre, au blog et à la page sur Facebook. Merci beaucoup Tazi Mohamed Mehdi. Je rappelle que vous êtes écrivain et que vous avez donc lancé un projet sur Internet, un projet qui a été lancé en février 2010 pour éditer au Maroc votre livre, votre premier livre « Bribes de vie » avec la participation financière des membres de Facebook. Merci Tazi Mohamed Mehdi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et très bonne soirée. Merci.